y a quelques semaines lorsque la Corée du Sud annonçait de nouveaux cas de contamination à la Covid sur des personnes qui en avaient pourtant guéri, il a été question un temps de réactivation virale. Les chercheurs se sont demandé si le SARS-CoV-2 pouvait rester de façon dormante dans des réservoirs viraux dans l'organisme. Si cette question semble avoir été à peu près tranchée pour la Covid, elle nous a donné envie de nous intéresser à ces virus qui vivent en nous en passagers clandestins. Qui sont-ils? Comment se cachent-ils? Pourquoi ressurgissent-ils à certains moments plus qu'à d'autres? Qu'est-ce qu'une infection latente par rapport à une infection chronique? Bref, nous parlerons aujourd'hui de ces virus pot de colle dont on ne se débarrasse jamais tout à fait. Ne dérangez pas le virus qui dort, c'est le programme persistant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour examiner les mécanismes qui conduisent ces virus à s'installer durablement dans nos organismes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, et comme toujours, à distance, Brigitte Autran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'immunologie à la faculté de médecine Sorbonne Université, et Vincent Maréchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université et directeur de l'UFR de biologie. Mais avant de vous retrouver, vous qui n'en pouviez plus, de vous demander jour après jour ce qui se passait dans l'univers de la recherche scientifique internationale, qui ne se cantonne pas à la recherche sur la Covid, mais un peu quand même, bien voici toutes les réponses avec le grand retour, et nous en sommes ravis, du Journal des Sciences et de Natacha Trioux. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec cette publication dans la revue ACS Nano. Des bio-ingénieurs américains viennent de créer les premiers globules rouges synthétiques. Et les globules rouges créés in vitro et fonctionnels. Alors ça fait des années que l'on cherche à synthétiser l'ensemble de leurs propriétés. Cette équipe a donc réussi à recréer la taille d'un globule rouge, sa forme biconcave, sa flexibilité. Il doit pouvoir se faufiler dans tout le système sanguin, mais aussi ses capacités de transport d'oxygène et sa durée de vie. Ces globules artificiels ont été testés in vivo sur des souris. Après 4 semaines, pas de rejet, ni d'effet indésirable. On n'est pas encore à la production à grande échelle de sang artificiel, mais les perspectives thérapeutiques sont nombreuses. Chloé James est médecin-chercheuse INSERM et professeure en hématologie au CHU de Bordeaux. Sa méthode a été, à partir de globules rouges normaux, de créer en fait une réplique d'un globule rouge normal en les recouvrant de silice pour mimer vraiment un globule rouge natif. Ensuite, à partir de cette matrice, ils ont mis dessus différents polymères, ce qui fait qu'en fait, là, ils ont pu obtenir un réplica de ce globule rouge avec des polymères qui miment des composants qui se trouvent dans l'organisme. Et ensuite, là, ils ont pu détruire la silice, parce que la silice dont ils se sont servis au départ n'est pas quelque chose qu'on peut garder et réinjecter ensuite à des êtres vivants. Donc ensuite, ils ont pu détruire la silice, et là, donc ils avaient un globule rouge artificiel qui pouvait être fonctionnel. Non seulement le globule rouge peut jouer son rôle de globule rouge, c'est-à-dire transporter l'oxygène, mais en plus, ils peuvent mettre à l'intérieur différentes molécules, comme de la chimiothérapie par exemple. Ces globules rouges de synthèse peuvent aussi servir de transporteurs pour certains agents. Ça peut servir de transporteur en fait de molécules qui elles étaient injectées directement dans le sang seraient directement détruites. Là, si ces molécules, elles peuvent, si elles sont transportées par ces fameux globules rouges de synthèse, elles pourraient être amenées là où on a besoin d'elles, voilà, par le biais de ces transporteurs. Avec cette invention, est-ce qu'on peut dire qu'on se rapproche des thérapies basées sur des cellules sanguines artificielles? Oui, mais c'est ça. Alors après, là, il y a quand même besoin de globules rouges humains. On n'est pas complètement à l'échelle artificielle, là, quand même. Voilà, et si vous aviez oublié les bons réflexes, sachez que vous pouvez retrouver des liens vers les études, tous les articles cités dans le Journal des Sciences, mais aussi dans le reste de l'émission, sur notre fil Twitter, qui est, comme chaque jour, animé par Noémie Naguet de Saint-Vulfranc. Et c'est en vous abonnant au compte, @laméthodefc. Et on passe au bref. Tous les jours, on fait tout de même un point coronavirus avec cette vaste étude aujourd'hui parue dans The Lancet qui le confirme. Le port du masque et la distanciation physique sont efficaces pour freiner la propagation du virus, Natacha. Oui, plus de doute, avec cette grande méta-analyse financée par l'OMS, une équipe canadienne a passé en revue 172 études de 16 pays différents sur plus de 25 000 patients. Ce sont des études qui concernent aussi les transmissions chez d'autres coronavirus comme le MERS et le SARS. Et selon ces résultats, avec un masque, les risques de contamination sont réduits de 85%, tout type de masque confondu. La distanciation physique a aussi un impact important. À plus d'un mètre de distance, la probabilité de transmettre le virus tombe à 2,6%. Selon la Scripps Institution of Oceanography à San Diego, les niveaux de CO2 atmosphérique viennent d'atteindre un niveau record. Et contrairement à ce que l'on pouvait croire, la quarantaine planétaire n'a pas eu d'effet sur la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En mai, la quantité de CO2 dans l'air a atteint une moyenne supérieure à 417 ppm, parties par million. C'est un record. Depuis 6 ans, les concentrations mensuelles ne cessent d'augmenter. Alors certes, début avril, les émissions de gaz à effet de serre ont bien chuté de 17%, mais selon l'Institut américain, il faudrait des baisses plus importantes encore et surtout plus longues pour enfin ralentir la croissance de la concentration atmosphérique de CO2. Et enfin, selon une publication à paraître dans Astrophysical Journal Letters, Mars aurait pu avoir des anneaux. Mars ressemblait peut-être à Saturne il y a plusieurs milliards d'années. Cette hypothèse des anneaux temporaires martiens n'est pas nouvelle, mais des planétologues américains et français apportent un nouvel indice dans ce sens. Deimos, la plus petite lune de Mars, orbite avec une légère inclinaison par rapport à l'équateur de la planète. D'après leur simulation numérique, cette anomalie orbitale ne s'expliquerait que par les effets gravitationnels causés par un anneau planétaire. Et selon leur modèle, pendant des milliards d'années, des générations de lunes martiennes ont été détruites en anneaux pour ensuite donner naissance à des lunes plus petites et voir ce cycle se répéter plusieurs fois. Merci beaucoup Natacha, et dis donc on va même se retrouver demain, ça recommence comme avant, c'est incroyable de plus être tout seul dans ce grand studio. À demain Natacha, très bonne fin de journée. Il est 16h07, vous écoutez donc la méthode scientifique. Saviez-vous que vous abritez, que vous hébergez très probablement en vous, dans certaines de vos cellules, des virus qui sont logés bien au chaud dans une forme d'hibernation et qui vont peut-être rester dans cette forme-là tout le restant de votre vie, mais qui vont peut-être aussi profiter d'une opportunité, une autre infection, un petit coup de fatigue, de stress ou d'autres facteurs extérieurs pour se manifester à nouveau à vous avant de retourner dormir sagement jusqu'à la prochaine occasion. C'est le cas de l'herpès notamment, mais aussi des papillomavirus ou du virus d'Epstein-Barr. Ces virus sont dits latents ou chroniques. Et passé la première infection, vivent à bas bruit, donc dans nos organismes. Alors comment ces virus survivent-ils? Quelles sont les mécaniques qui président à leur dormance? Pourquoi se réveillent-ils? Y a-t-il des stratégies pour les chasser définitivement? Nous en parlons avec Brigitte Autran, qui est professeure émérite d'immunologie à la faculté de médecine Sorbonne Université, et Vincent Maréchal, qui est professeur de virologie également à Sorbonne Université. Peut-être pour commencer l'un et l'autre, je l'évoquais dans l'introduction, c'est vrai qu'on s'est posé la question de ce coronavirus, du SARS-CoV-2, savoir si eh bien, il pouvait continuer à exister dans l'organisme sous une forme latente. Est-ce qu'on a des éléments de réponse fermes à cette question, Brigitte Autran? Écoutez, je crois qu'on a des éléments de réponse fermes qui montrent que non, ce virus n'entre pas en forme de latence. Il s'agit bien d'une infection aiguë dont on guérit. Et il peut y avoir des formes symptomatiques prolongées, mais il semble bien que le virus soit totalement éliminé de ces patients qui prolongent leurs symptômes, dont les symptômes se prolongent. Vincent Maréchal, vous confirmez que, évidemment, tout cela avec des précautions, on va essayer de retrouver les études, mais nous en avions parlé dans la radiographie du coronavirus, on a écarté cette idée d'une possible résurgence virale ou d'une dormance du SARS-CoV-2, comme des autres coronavirus d'ailleurs, qui a priori ne sont pas dans des formes latentes ou chroniques. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. On parle d'infection persistante lorsque le virus est capable effectivement de persister pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Les coronaviridés, qui est une grande famille dans laquelle on retrouve ces coronavirus humains, et notamment le SARS-CoV-2, ne sont pas des infections, ne créent pas d'infection persistante. Donc ce qu'on peut imaginer effectivement, c'est que selon les terrains, on est, et selon la réponse immunitaire notamment, on est une plus grande facilité à éliminer le virus ou pas. Donc on est plutôt sur des schémas où l'infection peut être longue. La symptomatologie peut d'ailleurs dépasser l'infection, ça c'est un autre problème. Il y a des gens qui déclarent des signes cliniques alors que le virus n'est plus là, qui sont plus probablement des conséquences de l'infection primaire, mais on est vraiment sur un schéma qui est plutôt un schéma assez classique d'infection aiguë, non persistante, avec une élimination durable. Alors la durabilité est discutable, est-ce que c'est plusieurs mois, plusieurs années, ça on peut toujours en parler, mais on pense que le virus est éliminé, qu'il y a une immunité qui se met en place et qui est efficace. Et on va renvoyer nos auditrices et nos auditeurs à plusieurs chroniques que nous avions consacrées à ce sujet, notamment à la persistance des symptômes qui, comme vous venez de le préciser, je pense que c'est effectivement important de faire le distinguo, n'est pas forcément une persistance ou une permanence du virus à l'intérieur de l'organisme. On va vous poster ça tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc d'infection virale persistante. De quoi on parle d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est exactement, Vincent Maréchal, qu'une infection virale persistante? Comment ça se définit? Alors, si on prend un tout petit peu de recul, on peut dire que lorsqu'un virus rencontre un hôte qui est sensible, il y a plusieurs chemins possibles. Alors, le chemin le plus classique, c'est ce qu'on appelle l'infection aiguë non persistante. C'est ce qu'on voit avec la grippe, probablement ce qu'on voit avec les coronavirus, c'est ce qu'on voit avec les virus des gastroentérites. Donc, il y a une multiplication du virus dans l'organisme. Cette multiplication stimule une réponse immunitaire innée, ensuite une réponse immunitaire qu'on appelle adaptative. Et en général, il y a deux issues possibles. Soit le patient meurt, soit il guérit, et la guérison, en général, s'accompagne d'une disparition et d'un contrôle définitif de l'infection virale. Alors, à côté de ces infections non persistantes, on a ce qu'on appelle les infections persistantes, qui sont des infections dans lesquelles le virus peut persister à vie chez l'hôte. Donc, on va en parler plus largement. Donc, on distingue globalement trois types d'infections persistantes. Les infections persistantes qu'on appelle chroniques, qui sont des infections dans lesquelles le virus se multiplie de façon continue en absence de traitement. C'est ce qu'on voit dans le cas du VIH, par exemple. C'est ce qu'on voit dans le cas de l'hépatite C ou de l'hépatite B chronique. Et puis, des infections qu'on appelle latentes, donc typiquement l'herpès simplex, le virus de la varicelle et du zona. Alors, ce sont des infections dans lesquelles il y a une phase de multiplication du virus, et puis le virus va se cacher dans une partie de l'organisme et va rester relativement silencieux. Et puis il va pouvoir revenir, ce qu'on appelle des réactivations, à périodes plus ou moins régulières ou en réponse à certains stimuli, et là se multiplier à nouveau. Donc ça, ce sont des infections qu'on va garder à vie. L'herpès simplex, on va le garder jusqu'à sa mort. Et puis il y a un troisième cas qui est très particulier qu'on appelle les infections persistantes abortives. Le cas le mieux connu, c'est ce qu'on observe dans le cas du cancer du col, dans lequel on voit que dans les cellules tumorales du cancer du col, eh bien on retrouve une partie du génome du virus intégrée à l'ADN cellulaire. Donc toute l'information virale n'est pas partie. Le virus n'est plus actif en termes d'agent infectieux. En revanche, l'information qu'il laisse dans la cellule fait que ces cellules devient tumorale. C'est ce qu'on appelle une infection abortive. Elle ne donne pas lieu à une multiplication virale, mais évidemment, elle a des conséquences pathologiques importantes. Brigitte Autran, est-ce que c'est vrai que tous autant que nous sommes, nous vivons, nous cohabitons en quelque sorte avec ces virus, avec ces infections persistantes, pour ne pas distinguer encore pour le moment entre latente et chronique plus avant, mais de dire qu'en tout cas, on cohabite avec plusieurs virus qui ne provoquent pas pour autant de pathologies aiguës? Tout à fait. Et on peut rajouter à ce que vient de dire Vincent Maréchal que en dehors des virus qui peuvent créer des maladies comme ce que Vincent a cité, nous abritons également des dizaines de milliers de virus dont on n'entendra absolument jamais parler. C'est ce qu'on peut appeler le virome, et vous connaissez ce terme du microbiote. Donc en fait, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des virus et des parasites que nous abritons. Et on considère qu'il y a beaucoup plus de bactéries et de virus en nous que nous n'avons de cellules humaines. Donc oui, nous sommes habités par les microbes. Est-ce que le fait que notre ADN soit composé à 4% d'ADN viral, ça a quelque chose à voir avec ces procédés de permanence virale à l'intérieur de l'organisme, Brigitte Autran? Alors, il semble quand même que la plupart de ces ADN d'origine virale que nous abritons dans notre génome viennent de virus qui font partie de la famille du VIH. C'est ce qu'on appelle les rétrovirus. Donc, les rétrovirus existent depuis extrêmement longtemps, bien avant l'homme. Et la particularité de ces rétrovirus, qui sont des virus à ARN, sont des virus qui peuvent être rétrotranscrits, donc transcrits à l'envers en ADN, et leur copie d'ADN s'intègre de façon totalement définitive dans le génome humain. C'est le cas du VIH, mais c'est le cas de tous les rétrovirus, quels qu'ils soient. Et l'on pense que les séquences d'origine virale que l'on trouve dans le génome viennent de rétrovirus extrêmement anciens qui ont infecté les différentes espèces dont nous sommes issus. Autre question, on parle de virus, on va parler d'ailleurs essentiellement de virus, mais il y a d'autres types de pathogènes qui peuvent cohabiter avec des individus tout au long de leur vie. Je pense le plus connu et le plus évident, c'est le plasmodium de la malaria, Vincent Maréchal. Oui, alors moi je suis pas un expert en parasitologie, mais effectivement on a un certain nombre de parasites qui sont capables d'échapper souvent à la réponse immunitaire, qui sont capables de un peu comme le font les virus hein, par ailleurs, d'adopter des états dormants qui leur permettent effectivement de persister à long terme dans l'organisme et de revenir, de provoquer des bouffées de multiplication qui souvent s'accompagnent de signes cliniques. Mais on a effectivement des phénomènes assez similaires avec certains parasites. Brigitte Autran. Oui, et l'on peut ajouter que certains de ces parasites, comme le paludisme, ont leur propre mécanisme pour être réactivés eux-mêmes, et d'autres parasites, eux, sont totalement contrôlés par la réponse immunitaire, par nos défenses. Et puis, ils vont profiter d'un affaiblissement de nos défenses pour émerger. Donc, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là des infections opportunistes, c'est-à-dire qu'elles tirent une opportunité du déficit immunitaire, parfois transitoire ou définitif, pour émerger et donner une maladie, alors que chez un sujet qui a un bon système immunitaire, ce sujet n'entendra jamais parler de ces parasites qui ne donneront jamais de maladie. Donc c'est encore une nouvelle case dans ces infections persistantes. Alors on va parler essentiellement des virus hein, tout au long de cette heure. Vincent Maréchal, vous avez bien fait la distinction tout à l'heure entre les infections latentes et les infections chroniques. Commençons par les infections latentes. Peut-être est-ce que vous pouvez bien repréciser la différence, parce que c'est pas si évident que ça, et je pense que c'est peut-être important de bien voir ce qui distingue et quels sont aussi les points communs entre ces deux types d'infections résurgentes. Alors en fait c'est une définition qui est un peu ancienne et qui opposait vraiment classiquement le modèle de l'infection latente, c'est l'herpès labial ou l'herpès génital, sont deux cousins hein, qui sont deux herpès qu'on appelle herpès de type 1 et herpès simplex de type 2. Donc typiquement ce qui se passe c'est qu'on a une primo-infection avec une multiplication du virus dans le cas de l'herpès labial au niveau de l'épithélium labial, et puis le virus va entrer en contact avec des terminaisons qui sont les terminaisons des ganglions nerveux sensitifs, il va remonter par l'axone jusqu'au ganglion nerveux sensitif, et là il va établir un état qu'on appelle la latence, qui est vraiment caractérisé par une expression excessivement limitée du génome viral et par une absence totale de production de particules infectieuses. Et ce virus latent peut rester dans l'organisme sous cette forme très silencieuse pendant des années. Et puis à l'occasion d'un certain nombre de stimuli, cette latence va être rompue, le génome viral va se réveiller, il va changer de programme d'expression, le virus va se réactiver, éventuellement se multiplier, redescendre par la même fibre nerveuse sensitive jusqu'au point de la primo-infection. L'axone, donc. L'axone, donc. Et réinfecter les cellules épithéliales. Alors, ça peut se faire avec des signes cliniques, en particulier ce fameux bouton de fièvre. Et c'est pour ça que ce bouton de fièvre apparaît toujours au même endroit. C'est parce que le virus fait la navette entre ce site de primo-infection et son site de latence. Ou alors, ça peut se faire de manière totalement asymptomatique. On pense que beaucoup de gens ont des réactivations à herpès simplex de type 1 qui sont totalement asymptomatiques. Donc ça, c'est vraiment la caricature. C'est vraiment la situation classique dans laquelle on alterne une phase de multiplication et une phase totalement silencieuse. C'est beaucoup plus ambigu pour d'autres virus. On a l'impression, pour d'autres herpès notamment, on pourra aussi en parler tout à l'heure, que c'est une multiplication à bas bruit où il y a beaucoup moins, de façon évidente, une phase de latence et une phase de réactivation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle infection chronique, ça signifierait qu'en fait, le virus n'arrête jamais totalement son activité. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas complètement à l'intérieur de certaines cellules hôtes qu'on va pouvoir décrire d'ailleurs. Tout à fait. Dans l'infection chronique, le signe classique, c'est quand vous regardez par exemple pour le VIH, si la personne n'est pas traitée, si vous regardez dans le sang du malade, vous trouvez en permanence des particules infectieuses. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'herpès simplex. L'herpès simplex, vous ne le détectez qu'au moment de la réactivation, sous forme infectieuse. Brigitte Autran. Oui, on peut rajouter pour le VIH que le VIH, à la différence des virus herpès, est un tout petit virus qui n'est absolument pas capable d'entrer lui-même en latence. Il est totalement dépendant de la cellule qu'il va infecter. Donc en fait, il va être capable d'induire une infection chronique pour deux raisons. D'abord parce qu'il intègre son code génétique dans le code génétique de la cellule qu'il infecte. Et puis, il a choisi d'infecter des cellules du système immunitaire qui ont la capacité de s'activer ou de revenir à un état de repos, de proliférer ou de ne pas proliférer en fonction des rencontres antigéniques. Et donc, la latence du VIH, parce qu'il y a bien une latence du VIH, ça n'est pas ce qu'on appelle une latence active, qui ne dépend pas du virus, mais c'est une latence passive qui dépend de l'état de quiescence dans lequel est entrée la cellule. Ce qui fait qu'à un instant donné, comme l'a dit Vincent, un patient qui est infecté mais qui n'est pas traité va toujours produire quelques particules virales ou beaucoup de particules virales parce qu'il y aura toujours quelques cellules sur les milliards de cellules infectées, il y aura toujours quelques cellules activées qui vont produire du virus. Par contre, il y aura aussi en permanence des cellules en état de repos qui hébergent le virus sans que les défenses immunitaires ne puissent les repérer. Donc c'est un autre mécanisme d'infection persistante, d'infection chronique, qui est totalement dépendante de l'hôte. Bien sûr. On reviendra tout à l'heure hein, dans la deuxième partie de cette émission à proprement parler sur ces infections chroniques. On va se concentrer vraiment sur les infections latentes pour le moment. Est-ce que pour qu'il y ait... Alors on parle de phase lytique, c'est-à-dire de phase aiguë et puis de phase latente. Est-ce que la primo-infection doit toujours ou est systématiquement dans ces cas-là symptomatique? Est-ce qu'on se rend toujours compte qu'il y a une primo-infection ou est-ce que la primo-infection peut être elle aussi asymptomatique, Vincent Maréchal? Alors, c'est compliqué. Si on se concentre sur les, si on parle des herpès viridés, une grande famille, je pense qu'il faut juste repréciser de qui on parle. Bien sûr. On a en fait trois sous-groupes chez les herpès viridés. On a des herpès viridés qu'on appelle neurotropes et épithéliotropes. Donc, par exemple, le virus de l'herpès simplex de type 1, le virus d'herpès simplex de type 2, ou le virus de la varicelle et du zona. Donc, typiquement, un virus qui est associé à deux types de maladies, mais il s'agit bien du même virus. La varicelle étant la maladie qui est associée au premier contact, à la primo-infection avec le virus, et le zona étant la réactivation, donc qui est relativement peu fréquente, hein, la réactivation qui va survenir éventuellement 10, 20, 30 ans après la primo-infection. Mais il s'agit bien du même virus, et c'est un virus, comme dans le cas de l'herpès, qui va aller établir son état de latence dans des ganglions nerveux sensitifs. On a ensuite une famille virale qu'on appelle les bêta herpès viridés, donc eux qui hébergent un certain nombre de virus, dont certains pathogènes, le cytomégalovirus par exemple, le virus HHV6 aussi, qui est un virus qui est responsable d'une maladie infantile qu'on appelle la roséole. Et puis on a les gamma herpès viridés avec des virus que les gens connaissent aussi, pour certains sans doute le virus Epstein-Barr, qui est présent chez 80% des sujets adultes quand même à vie. Hein. Donc 95, je précise parce qu'on vous a perdu un instant, c'est 95%, c'est bien ça? Tout à fait. 90-95% des sujets adultes hébergent le virus Epstein-Barr à vie. Donc un virus avec lequel on vit très très bien en règle générale, sauf que lorsque la primo-infection survient chez l'adulte, eh bien elle peut être associée à cette fameuse mononucléose infectieuse, maladie du baiser. Et puis c'est un virus, on pourra en parler après, qui dans certaines circonstances peut provoquer des cancers, heureusement excessivement rares. Donc vous disiez, est-ce que la primo-infection est symptomatique? Alors la primo-infection, ça dépend beaucoup des cas. Dans la majorité des cas, la primo-infection avec les herpès virus se faire souvent pendant l'enfant, je pense notamment à l'herpès simplex de type 1, je pense également au virus Epstein-Barr, elle se fait dans ces deux cas-là de façon asymptomatique, et chez l'adulte, effectivement, elle peut avoir une expression plus visible. Et puis, il arrive de façon exceptionnelle que la primo-infection soit très bruyante, hein, dans le cas de l'herpès de type 1, on a des gens qui font une manifestation très très bruyante, qu'on appelle la gingivostomatite, avec une infection de la bouche, avec des vésicules, c'est très douloureux, ça peut empêcher les gens de manger, et c'est une manifestation assez rare de la primo-infection par herpès simplex de type 1. Donc en règle générale, c'est des virus avec lesquels on vit bien. Hein, ce sont des virus qui sont chez l'homme depuis des millions d'années, très probablement. On a appris à habiter l'un avec l'autre. On se respecte autant que possible, mais des fois, il y a quelques débordements lors de la première rencontre, ou malheureusement, quelques débordements lorsque la rencontre se fait, par exemple, chez une femme enceinte. On sait que les femmes enceintes sont plus sensibles à certaines infections, notamment le cytomégalovirus ou le virus de la varicelle. Et puis, des situations qui font que votre système immunitaire est moins vigilant, au moins ces virus persistants. Et là, effectivement, on peut avoir des pathologies liées à une baisse de l'immunovigilance et à la réactivation de ces virus avec des signes cliniques. On pourrait dire, finalement, quand on voit ce type de comportement et de cohabitation au dépens de l'autre, que c'est ni plus ni moins qu'une forme de parasitisme, en fait, Brigitte Autran. Oui, tout à fait. C'est une écologie aussi. On peut dire que ces virus ont trouvé un hôte qui leur permet de survivre, de se répliquer un petit peu, mais pas trop. Donc, je parlerai plutôt d'écologie. Je pense que c'est le terme qui convient. Chacun se respecte. quand, évidemment, il n'y a pas des poussées infectieuses qui peuvent être à nouveau aiguës et très, très embarrassantes pour l'hôte. Est-ce qu'on sait, si on passe un peu justement après la primo-infection, qu'est-ce qui détermine le passage de la phase aiguë à la phase silencieuse, Brigitte Autran? Alors, Vincent l'a dit, il y a la réponse immune. Donc, les défenses immunitaires, ce qu'on appelle la première ligne, la défense innée, qui permet de contrôler très vite la prolifération du virus. Et puis ensuite, la réponse adaptative, intelligente, qui reconnaît spécifiquement, grâce à ses anticorps ou ses lymphocytes T, et qui permet d'empêcher, les anticorps empêchent qu'il y ait des nouvelles cellules infectées et vont permettre aussi de détruire les cellules infectées, ce que font également les lymphocytes antivirus. Donc tout ça va contrôler cette primo-infection. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi le génie propre du virus. Et donc dans le cas des herpès viridés dont parle Vincent, eh bien, on a beau avoir un excellent système immunitaire, de toute façon, le virus va être capable d'entrer en latence et le système immunitaire ne pourra plus le voir. Dans le cas du VIH, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mécanisme actif, le virus ne va pas entrer en latence, et donc le système immunitaire contrôle au début, mais finit par perdre la main parce qu'il s'épuise à courir après un virus qui continue quand même à répliquer. Donc, la défense immunitaire, c'est très très important, mais il y a le génie propre, le caractéristique propre du virus qui va déterminer l'avenir et la capacité à entrer en latence ou faire une infection persistante. Vincent Maréchal ? Oui, c'est exactement ça. Le vrai défi d'un virus qui doit persister est relativement simple. Il faut que son information génétique soit pérenne, donc ce qui explique en particulier que des virus à ARN, le génome ARN est en général considéré comme plus fragile, les virus à ARN ont beaucoup de mal à persister sans se répliquer. C'est une vraie difficulté. Donc le VIH a trouvé une solution qui est de convertir cet ARN en ADN et intégrer cet ADN dans la cellule. C'est un des moyens de persister. D'autres virus à ARN n'ont pas cette option-là. Je pense notamment à l'hépatite C, le virus de l'hépatite C. Donc cet ARN ne pouvant pas nécessairement persister très longtemps, bien le virus, pour se maintenir dans l'organisme, est obligé de se multiplier en permanence. Alors dès lors que le virus se multiplie, il devient visible, il exprime des protéines qui sont nécessaires à son cycle, mais qui sont autant de cibles pour le système immunitaire. Et les virus qui doivent se multiplier en permanence sont évidemment souvent des virus qui ont une très grande capacité à varier leur l'information génétique, à générer une diversité génétique qui fait que le système immunitaire, comme le disait tout à l'heure Brigitte Autran, est obligé de courir derrière. C'est la problématique notamment du VIH, c'est aussi la problématique de l'hépatite C chronique. Et on parle d'ailleurs pas d'un virus, mais d'une ce qu'on appelle une quasi-espèce, c'est-à-dire un nuage de virus très proches génétiquement les uns des autres. On peut les reconnaître, on peut à peu près en faire la filiation, mais c'est cette diversité génétique qui fait que le système immunitaire n'arrive pas à trouver la parade parce qu'il préfère un individu fixe plutôt qu'un individu qui est en fait une population d'individus qui lui échappent. Donc ça, c'est vraiment une clé. La persistance de l'information génétique, l'échappement au système immunitaire, qui sont deux éléments clés. Ça, je vous interromps, Vincent Maréchal, je précise bien que pour le VIH ou pour l'hépatite C, on est dans des infections chroniques, et on va revenir. La question, c'est vraiment plutôt sur les infections latentes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, finalement, une fois que la phase aiguë est maîtrisée par le système immunitaire, comment font, quelles sont les mécaniques qui permettent à ces virus de rentrer justement en phase latente et en phase silencieuse ? Vincent Maréchal. Là, c'est difficile de parler de tous les herpès. Bien sûr. Pas qu'on prenne un exemple précis. L'herpès de type 1, donc l'herpès responsable de l'herpès labial, a une stratégie qui est assez simple. Encore une fois, la problématique de l'échappement au système immunitaire est vraiment commune aux deux problématiques. Hein. Que l'infection soit latente ou chronique, c'est vraiment une des clés. Donc, une des stratégies qui est choisie par l'herpès simplex de type 1, c'est d'aller dans les noyaux des cellules nerveuses sensitives, qui sont des zones d'abord relativement peu exposées au système immunitaire. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est que le virus a la possibilité de faire évoluer son programme génétique. Il a un programme dédié, qu'on appelle un programme de latence, qui est un programme dans lequel aucune protéine n'est exprimée. Or, en fait, ce qui est reconnu par le système immunitaire, ce sont les antigènes, ce sont les protéines. Donc ça, c'est une des clés pour être silencieux. Le virus Epstein-Barr, dont on parlait tout à l'heure, donc ce virus qui est responsable de la mononucléose infectieuse, a lui une palette de programmes génétiques. Il est capable de moduler l'expression de ses gènes. Il a cinq grands programmes ou quatre grands programmes génétique. L'un des programmes, lui, il ne va pas vivre dans le neurone, il va le vivre principalement dans le lymphocyte B, le lymphocyte B mémoire, et bien c'est un programme dans lequel, de la même façon, le génome viral va persister en absence d'expression de protéines. Donc la cellule infectée de façon latente est totalement invisible pour la réponse immunitaire. Donc c'est vraiment une astuce tout à fait efficace pour persister à long terme. Alors en plus, choisir, et ça Brigitte Autran pourra commenter, choisir comme site de latence lymphocyte B mémoire, c'est une excellente stratégie, puisque c'est une cellule qui a une très longue demi-vie dans l'organisme. Donc c'est vraiment excellent pour le virus. Brigitte Autran, là-dessus c'est intéressant, parce qu'effectivement, les cellules cibles dans lesquelles les virus vont se cacher, ce sont, comme l'a dit à l'instant Vincent Maréchal, des cellules particulières qui sont difficilement accessibles à l'immunité, soit qu'il s'agisse de neurones, et on sait que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique, on en a parlé dans une émission entière il y a quelques jours, on va vous mettre le lien sur le fil Facebook, ou que ce soit le système immunitaire lui-même. Alors le système immunitaire, on ne peut pas dire qu'il soit protégé de la défense immunitaire, mais c'est lui qui fait la défense immunitaire. Mmh. Donc c'est peut-être un subterfuge encore plus sophistiqué qu'ont les virus, d'aller infecter directement le système immunitaire. Dans le cas de l'Epstein-Barr, les lymphocytes B, dans le cas du VIH, les lymphocytes CD4 et les macrophages. Et de cette façon, ils pervertissent la capacité de ces lymphocytes à déclencher de la réponse immunitaire. Et du coup, ils s'évadent de la réponse immunitaire. Et qu'est-ce qui va donc c'est peut-être un mot aussi Brigitte Autran sur cette sophistication des différents programmes génétiques. C'est quand même assez incroyable parce que pareil, on a parlé très souvent de génétique, de la production de protéines, de ce qu'étaient ces protéines de surface. On en a beaucoup parlé également à l'occasion du SARS-CoV-2. On peut donc imaginer, ou en tout cas la nature a imaginé ces génomes qui à un moment donné décident de n'exprimer tout sauf la peptidosynthèse, quoi. Oui, alors on parle de génie ou de ces virus, enfin je pense que... Oui, pas d'anthropomorphisme, vous me direz. Encore une fois, c'est écologie et de sélection de performance, en fait. Hein. La famille des herpès viris est une famille extrêmement intelligente qui a la capacité de déclencher des programmes à façon pour échapper au système immunitaire, mais ce sont des gros virus avec des énormes génomes. C'est-à-dire, par exemple, pour qu'on ait un ordre de grandeur. Je crois que ça fait quelques centaines de milliers de paires de bases, Vincent. Oui, on est en train, donc pour les herpès viridés en général, on est entre 130 000 paires de bases jusqu'à plus de 200 000 paires de bases pour des gros virus comme le cytomegalovirus, hein, de très très gros virus. À titre de comparaison, c'est 9 000 bases pour le VIH. Et 30 000 pour le SARS-CoV-2. Voilà. Donc le VIH, c'est un virus absolument rikiki. Il est vraiment ridiculement petit et il est complètement stupide. Il n'a aucun programme de mise en latence lui-même. Par contre, il a quand même la capacité de coder pour des protéines qui vont réguler les niveaux d'expression des protéines de la cellule hôte, de manière à devenir le plus invisible possible au système immunitaire. Par exemple, il est capable de faire diminuer l'expression de surface des molécules HLA, qui, comme vous le savez, sont nécessaires à la présentation d'antigènes et à ce qu'une cellule soit identifiée comme étant infectée, devenue étrangère et à éliminer. Donc le VIH, c'est à peu près le seul processus actif qu'il ait. Il a un autre gène qui est capable un petit peu de moduler le cycle cellulaire, la capacité de la cellule à répliquer, mais c'est tout. Il n'a absolument pas la possibilité de diriger son programme d'expression. Il est totalement dépendant de la cellule hôte parce qu'il est tout petit. Mais c'est peut-être une économie de la nature qui a trouvé la façon la plus originale de laisser se développer un virus qui tue pratiquement 100% des patients et qui est absolument infiniment petit. Donc voilà, c'est peut-être, moi je dis qu'il est très bête, mais il est peut-être le plus intelligent de tous les virus. Vincent Maréchal? Pour les herpès, nous on a affaire, alors on est à l'autre bout du spectre en termes de taille, et donc quand on s'intéresse à ce que peut faire un génome de très grande taille, on est tout à fait fasciné, parce qu'on retrouve effectivement exactement en miroir ce que vient de dire Brigitte Autran, à savoir que là on a des virus très sophistiqués qui ont développé des stratégies qui peuvent pervertir à peu près tous les aspects de la vie cellulaire, le métabolisme énergétique, la survie cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose, ce sont des virus qui savent contrôler l'apoptose dans la cellule. La destruction des cellules, hein, l'apoptose. Tout à fait, l'apoptose c'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. C'est en général un processus de défense de la cellule, hein, par ailleurs. Et les virus, et notamment les virus herpès, à certaines étapes de leur cycle, ça a parfaitement bloqué ces processus de suicide cellulaire. Alors, ce qui est tout à fait fascinant également, c'est que les virus de la famille des herpès, pour beaucoup, savent pervertir les voies de présentation des antigènes par les des complexes qu'on appelle les complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 1 ou de classe 2. Donc, ils ont des protéines dédiées qui servent à empêcher la présentation de ces antigènes. Et alors, l'arme absolue qui est tout à fait fascinante à mon sens, certains herpesvirus ont réussi à capturer des gènes cellulaires, dans des cytokines en particulier, ont réussi à les domestiquer et à les retourner contre l'organisme. On connaît notamment, dans le virus Epstein-Barr, une interleukine, qui est l'interleukine 6 ou l'interleukine 10. Pro-inflammatoire. Probablement à l'origine. Alors, qui sont en fait, la version cellulaire a des propriétés particulières, le virus a réussi à les domestiquer et les utilise pour faire une sorte d'écran de fumée tout autour de la cellule infectée. Donc ça, c'est tout à fait clair. Et alors, le chef de file est un virus dont on n'a pas encore parlé, qu'on appelle le HHV8, ou le virus associé à la maladie de Kaposi, qui lui a réussi à capturer des cytokines, des récepteurs aux cytokines, et qui les utilise pour favoriser son cycle de persistance ou sa multiplication. Donc effectivement, des gros génomes, mais parce qu'ils ont en particulier volé des gènes cellulaires et ils les retournent contre leur hôte pour faciliter notamment leur persistance dans l'organisme. Et on va essayer de comprendre dans quelques minutes pourquoi est-ce que cette phase de latence ou de silence d'or, pourquoi est-ce que d'un seul coup ces virus recommencent à s'exprimer, et puis on va essayer de savoir et de comprendre s'il est possible à un moment donné d'aller les déloger de leur cachette et de réussir à les éradiquer une bonne fois pour toutes de l'organisme. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. De musique que tous les virologues entendent une fois dans leur vie médiatique, Virus de Björk, sur France Culture à 16h38, puisque nous parlons de virus, mais pas n'importe quel virus, nous parlons des virus latents, ceux qui sont un peu les passagers clandestins de nos organismes. Nous en parlons avec Brigitte Autran, qui est professeure émérite d'immunologie à la faculté de médecine Sorbonne Université, et Vincent Maréchal, qui est directeur de l'UFR de biologie et professeur de virologie également à Sorbonne Université. Alors, on a parlé, en fait, on a un peu de facto mélangé maladies chroniques et maladies latentes, infections chroniques et infections latentes, pardon. J'aimerais savoir, puisque on a compris, ou en tout cas les mécanismes qui poussent, dans les cas des infections latentes, les virus à devenir des passagers clandestins, à aller se cacher dans certaines zones très particulières de l'organisme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces virus qui sont cachés reprennent une activité, recommencent à produire des virions et relancer des cycles infectieux, Vincent Maréchal? Alors, il y a deux niveaux, et en fait, il y a deux niveaux de questions. Il y a quels sont les stimuli qui s'opposent à l'hôte et qui font que l'hôte se réactive. Et puis après, il y a ce qui se passe à l'échelle du génome viral qu'on essaie de comprendre et qui font qu'un génome viral qui était dans un programme d'expression donné change cette expression pour en exprimer un autre. Mmh. Alors pour ce qui est des stimuli, si on prend un exemple qui va parler à vos auditeurs, qui est le cas de l'herpès simplex, on sait bien que les boutons de fièvre en particulier apparaissent à des périodes particulières de la vie, quand il y a un stress psychologique en particulier, mais également quand quelques jours après aller chez le dentiste, des fois vous êtes fait triturer la bouche et quelques jours après le bouton apparaît. Donc il y a probablement une stimulation des territoires qui sont innervés par les neurones qui hébergent le virus qui jouent un rôle. À l'échelle alors de la cellule, on utilise notamment des modèles chez la souris qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Il y a effectivement un changement de programme. On passe d'un programme de latence à un programme qu'on appelle le programme lytique ou le programme de la réactivation. Et en fait, les gènes qui sont choisis dans le programme de latence ou les gènes qui sont choisis dans le programme lytique sont probablement régulés en grande partie au départ par des phénomènes épigénétiques. C'est-à-dire que c'est cette association complexe entre le génome, des modifications de l'acide nucléique et puis des facteurs de modification et ensuite des facteurs de transcription qui permettent d'ouvrir certains gènes et de les fermer à volonté. Donc ce qu'on imagine, c'est qu'en fait la cellule, le neurone reçoit un signal, que ce signal-là est transmis à cette machinerie de modification épigénétique, elle modifie le génome et le virus sort de cette phase de latence pour entrer en phase de réactivation. On a des choses assez comparables qui viennent d'être publiées il y a quelques années pour le virus Epstein-Barr en particulier, où on voit que la mise en place des différents programmes procède beaucoup de mécanismes épigénétiques, de programmes de régulation épigénétique. Mais il y a toujours cette question du stimulus. Alors on commence à les identifier, hein, pour la variété celle et le zona, on se doute que le zona n'est pas quelque chose de totalement spontané. On décrit notamment des formes de zona chez des gens qui ont eu des décès, des troubles psychologiques importants, voire même dans certaines maisons de retraite, on a pu mettre en évidence des signes de maltraitance chez les personnes âgées parce que les gens décrivaient des zonas. Mmh. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des stimuli très différents. À l'échelle cellulaire, on a aussi des choses tout à fait étonnantes. Dans le cas du virus Epstein-Barr, dont on disait tout à l'heure qu'il est hébergé dans les lymphocytes B, eh bien il se trouve qu'un des stimulus principaux de réactivation du virus Epstein-Barr, c'est justement la rencontre d'un lymphocyte B infecté avec la cible qui est un antigène. Et donc ça, cette rencontre qui donne lieu à un stimulus physiologique, eh bien le virus a su le détourner pour assurer son changement de programme et sa réactivation. Je vous interromps, Vincent Maréchal, faut peut-être préciser que ces lymphocytes B, effectivement, ils sont parfois amenés à rencontrer l'antigène pour lequel ils sont spécialisés, mais pas toujours. Donc en fait, là c'est vraiment un coup de dé, quoi. C'est un coup de dé, mais il y a d'autres paramètres, notamment des modifications des cytokines ou des chimiokines qui font que ces lymphocytes B peuvent tout à coup changer de comportement. Et le virus, visiblement, a su tirer parti au cours de son évolution de ces changements d'orientation de la vie du lymphocyte B pour assurer sa réactivation. On peut peut-être éventuellement dire un mot, Brigitte Autran, avec vous, si vous le souhaitez, de ce dont on parlait juste avant l'interruption, la petite coupure musicale, ce fameux virus HHV8 qui est à l'origine du sarcome de Kaposi, qui lui ne va finalement ne se déclarer. On peut peut-être tous, ou je ne sais pas si vous connaissez la proportion de la population qui est infectée et asymptomatique, et finalement les personnes qui vont finir par le déclarer sont les personnes qui vont à un moment donné, pour une raison, et notamment pour les personnes qui sont infectées par le VIH, faire une forte immunodépression. Voilà, alors on ne connaît pas très bien la proportion, c'est assez variable, il y a des formes géographiques, donc on sait que c'est un virus qui est un peu plus fréquent sur le pourtour méditerranéen, en particulier dans la partie orientale de la Méditerranée. On sait effectivement que c'est un virus qui va pouvoir rester totalement silencieux pendant des décennies et puis profiter de l'immunosénescence, donc de la perte de la diminution des capacités de défense immunitaire avec l'âge pour proliférer et déclencher un programme de cancérisation de la cellule dans laquelle il est hébergé et donner ce sarcome de Kaposi. Mais sans attendre d'avoir 70 ou 80 ans, si le patient infecté, enfin le sujet infecté, qui n'est pas malade, malheureusement est infecté par le VIH, ou bien s'il reçoit un très fort programme de dépression immunitaire à l'occasion d'une greffe, par exemple, eh bien, il va pouvoir déclencher, le virus va profiter de la diminution des défenses immunitaires pour émerger Là aussi, on ne connaît pas exactement ce qui a déclenché son émergence, mais en tout cas, il n'est plus contrôlé. Dès qu'il émerge, il n'est plus contrôlé et il va pouvoir devenir un sarcome de Kaposi. Et dans quelques cas qui sont absolument exceptionnels, il va se mettre à proliférer comme un fou et donner une autre forme de cancer, heureusement très rare. Donc, oui, c'est un virus qui est vraiment sous contrôle immunitaire et ce contrôle peut durer toute la vie. Ou s'éteindre avec la vieillesse. C'est comme la presbytie. La presbytie étant tout de même un petit peu moins grave, voilà, si je puis me permettre. un mot, parce que vous évoquez cette question-là, on en parlait justement il y a je crois 15 jours ou 3 semaines de cela au cours d'une émission consacrée à la barrière hématoencéphalique, et l'un des invités disait finalement cette barrière hématoencéphalique qui permet de protéger le système nerveux central, notamment de l'infection par des pathogènes. Il disait mais néanmoins il y a tout de même une activité immunitaire dans le cerveau, et il est vraisemblable que dans nos cerveaux à tous il y ait des petits virus qui circulent et qui soient sous contrôle immunitaire, mais que tous les cerveaux soient infectés par une, deux ou quelques populations, en tout cas en assez petit nombre, qui restent sous contrôle immunitaire et qui, bien, justement, à l'occasion d'une immunodépression, d'une autre forme de maladie, bien, d'un seul coup deviennent opportunistes et déclenchent des maladies. Vous pouvez confirmer ça l'un et l'autre, Vincent Maréchal ? Oui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, on m'a expliqué qu'effectivement, le système nerveux central, c'était un territoire totalement protégé, le système immunitaire n'y rentrait pas, et les virus n'y rentraient que par exception. Et c'est vrai que ces dogmes-là ont beaucoup évolué ces dernières années. Effectivement, on a de plus en plus de théories qui nous laissent penser que finalement, il y a une forme de réponse immunitaire aussi dans le système nerveux, et qu'il y aurait effectivement des pathogènes qui peuvent être hébergés à long terme. Mais ça, effectivement, c'est des choses qui sont relativement, quand je dis relativement récentes, qui ont une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. C'est des dogmes qui ont beaucoup évolué. Brigitte Autran. Oui, alors on sait maintenant qu'il y a une forme de cellule du système immunitaire qui est résidente dans le cerveau, hein, qui est dérivée des macrophages. On appelle ces cellules les cellules de la glie, et les astrocytes, qui sont des formes particulières du système immunitaire de macrophages qui résident dans le cerveau et qui ont la responsabilité de faire ce qu'on appelle l'immunosurveillance, donc d'aller phagocyter, détruire les cellules malades et les cellules infectées par des virus. Et puis, il y a de temps en temps la possibilité, à la faveur d'une inflammation, que des lymphocytes puissent pénétrer dans le cerveau. Et là, c'est vraiment au compte-gouttes, parce que les lymphocytes, c'est très dangereux. Hein, quand ça pénètre quelque part, ça peut détruire des cellules. Et on sait que le système nerveux ne se régénère pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il est tant protégé du système immunitaire. Le système immunitaire est trop dangereux pour le système nerveux. Il ne faut surtout pas détruire, ou le moins possible, détruire de cellules. Mais à la toute dernière extrémité, s'il y a une infection dans le cerveau, eh bien là, la barrière s'ouvre et les lymphocytes peuvent rentrer, les anticorps peuvent rentrer. Alors on va, il nous reste un quart d'heure avant la fin de cette émission, un tout petit peu moins. J'aimerais qu'on examine maintenant les solutions thérapeutiques. Est-ce que on sait aujourd'hui chasser définitivement, pousser à le système immunitaire ou à l'aide d'un certain nombre de molécules que vous pourrez décrire, bien à chasser une bonne fois pour toutes ces passagers clandestins, à détruire les réservoirs viraux, qu'il s'agisse d'ailleurs d'infections latentes ou d'infection chronique, Vincent Maréchal ? Alors, je crois que la question centrale, quand on est un patient, c'est de savoir si on a un outil thérapeutique qui permet d'éviter l'expression clinique de la maladie. Dans le cas des herpès, je pense que l'urgence en particulier, c'est surtout de contrôler les pathologies qui sont liées soit à la réactivation virale, quand les formes sont graves, soit éventuellement à l'apparition de cancers associés à la persistance de ces virus. On vient de parler du virus de la maladie de Kaposi, mais le virus Epstein-Barr, c'est la même problématique, en fait. C'est un virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, 95% des adultes vivent avec, et quand les patients sont immunodéprimés, en particulier, ça peut être à l'occasion du sida, ça peut être à l'occasion d'une greffe, ce virus va provoquer la prolifération des cellules et provoquer la tumeur. Donc, se débarrasser de l'EBV dans l'absolu, c'est pas forcément une priorité. En revanche, se débarrasser ou bloquer les pathologies graves, ça, c'est effectivement une priorité. Donc, dans le cas des herpès, depuis très longtemps, on a en particulier pour les herpès neurotropes, le virus herpès simplex ou le virus VZV, des molécules qui marchent très bien pour le cytomégalovirus aussi. Donc on peut bloquer la réplication du virus, donc on peut bloquer la phase de réactivation, la phase lytique. En revanche, la phase latente, on n'a pas aujourd'hui de moyen d'intervenir dessus. Brigitte Autran. Alors, c'est la même chose pour le VIH. On a d'excellents antirétroviraux qui sont capables de bloquer la réplication du VIH, bloquer la synthèse de particules virales nouvelles, mais on n'a aucun moyen thérapeutique actuel de chasser le génome viral qui est intégré dans le génome de la cellule hôte. Il faut bien comprendre que dans le cas du VIH, donc j'ai dit tout à l'heure que le VIH n'avait pas de mécanisme actif, donc il se cache à proprement parler dans l'ADN de la cellule qui l'héberge, et il se cache d'autant mieux que cette cellule est au repos dans les replis des ADN sous des couches de chromatine, hein, c'est les fameuses modifications de l'épigénome, les modifications épigénétiques qui vont protéger certaines zones silencieuses du code génétique et empêcher sa transcription. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cas de VIH? Lorsqu'une cellule reçoit, un petit peu comme pour le lymphocyte B, lorsqu'un lymphocyte T CD4 qui est infecté et qui est à l'état de repos avec un virus HIV gentiment intégré dans son génome, si ce lymphocyte CD4 reçoit un signal d'activation par l'antigène dont il est responsable, qu'il est responsable de reconnaître, eh bien, cet antigène va déclencher un programme d'activation du lymphocyte CD4 dont va profiter le VIH et se répliquer. Et si le patient est traité par des antirétroviraux, eh bien, ces antirétroviraux empêcheront la prolifération de ce virus. Donc, c'est comme ça que marchent les antiviraux. Par contre, ces antiviraux n'ont pas le moyen d'aller ouvrir la chromatine et de faire de la chirurgie du génome. Ça, c'est vraiment d'autres stratégies qui sont nécessaires. Alors, on va parler des autres stratégies. Peut-être un mot, Brigitte Autran, tout de même, pour dire que dans le cas de l'infection chronique par le VIH, le virus va s'installer très très tôt, au tout début de l'infection, dans ces cellules réservoirs. Alors, on parle des CD4, évidemment, mais on pense qu'il y a par ailleurs d'autres réservoirs qui ne sont pas encore très bien identifiés. Alors, si les réservoirs sont assez bien identifiés, sont toujours par définition, toujours des cellules, qui ont à leur surface un récepteur, le récepteur du VIH qui est la molécule CD4 et d'autres co-récepteurs. Donc on sait qu'à 99,5% ce sont des lymphocytes TCD4 et on sait que pour le restant ce sont des cellules de type macrophage, cellules dendritiques ou dérivées. Donc là on connaît les cellules. Par contre, ce que l'on ne sait pas de façon précise, c'est à l'intérieur de ces entités s'il y a des cellules qui sont infectées de façon privilégiée. Ce que l'on commence à savoir, c'est que les cellules qui sont très fréquemment activées, celles-là vont être les plus infectées. Mais à la limite, c'est pas très grave, parce que si elles sont très fréquemment activées par l'antigène, eh bien, elles vont rapidement mourir. Donc, c'est un réservoir de courte durée. Par contre, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est quand le virus s'est intégré dans des cellules à longue durée de vie. Oui. Qui ne voient leur antigène que très rarement. Donc, je cite souvent des cellules qui sont, par exemple, chargées de reconnaître un antigène d'un parasite qui n'existe qu'au fin fond de la Patagonie. Eh bien, ces cellules-là, si, par chance, elles sont infectées par le VIH, elles ont très peu de chances de réactiver et le virus va être confortablement intégré de façon dormante dans ces cellules. Si, par exemple, la cellule qui est infectée par le VIH, elle est spécifique du virus de la grippe, par exemple, eh bien, ou d'un virus responsable du rhume, eh bien, elle va être réactivée de façon fréquente et donc va produire beaucoup de virus. Ce qui compte, donc, ça va être l'intervalle de temps entre deux épisodes d'activation de la cellule qui vont laisser le temps au VIH, s'il est intégré, de rester de façon totalement silencieuse. Et c'est là qu'on parle de réservoir. Et ces réservoirs sont essentiellement dans des cellules mémoire à longue durée de vie qui, malheureusement, sont capables de se répliquer de façon silencieuse, sans produire du virus, et donc sont capables de perpétuer ce réservoir. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on essaye de définir de façon plus précise quelles sont les cellules réservoirs, de manière à essayer de les cibler pour mieux extirper le génome viral. Alors, il y a une stratégie tout de même qui est intéressante, qui n'a pas donné, évidemment, de résultats probants avec le VIH, mais qui a pu en donner pour d'autres virus. C'est la stratégie qu'on appelle « shock and kill ». De quoi s'agit-il, Brigitte Autran? Alors, la stratégie « shock and kill », ça consiste à choquer, donc à stimuler les cellules réservoirs pour leur faire produire du virus et à les tuer, utile pour les éliminer dès qu'elles se mettent à produire du virus. Donc, on a imaginé plusieurs stratégies pour choquer, entre guillemets, des stratégies d'immunothérapie pour activer le système immunitaire, soit par des cytokines, soit par des médicaments chimiques qui sont d'ailleurs utilisés dans le cancer et qui modifient la chromatine. Malheureusement, ces stratégies de choc n'ont pour l'instant pas très bien marché et de toute façon avaient besoin d'être accompagnées d'une stratégie d'activation du killing, de la destruction de ces cellules par des vaccins ou des d'autres formes de stimulation des défenses immunitaires. D'une manière générale, on peut dire que ces stratégies shock and kill ne fonctionnent pas de façon optimale aujourd'hui. On connaît des stratégies de choc qui seraient hyper puissantes, mais cette fois-ci trop dangereuses pour le malade et on ne peut pas bien sûr risquer de mettre en péril la vie d'un malade avec des stratégies trop dangereuses. Bien sûr. Alors il existe une stratégie plus récente qui est issue du cancer. On sait que dans des tumeurs, il y a toujours des lymphocytes qui pénètrent et qui sont spécifiquement dirigés contre ces cellules tumorales, chargés de les tuer, mais qui sont tellement stimulés par ce cancer qu'elles s'épuisent. En s'épuisant, elles expriment à leur surface des molécules de frein qui les empêchent de fonctionner. On parle de checkpoints, donc des points de contrôle immunitaire, d'une cellule fatiguée, épuisée. Et donc, la grande découverte des 10 dernières années, ça a été, donc, ces points de contrôle immunitaire, ça a été le prix Nobel de médecine de 2018. Et l'on a découvert qu'on pouvait débloquer le frein, débloquer la pédale de frein, en injectant des antagonistes de ces points de contrôle immunitaire. Ce sont des anticorps monoclonaux, anti-immune checkpoints, et c'est la fameuse immunothérapie dont vous avez certainement parlé sur vos ondes du cancer. Eh bien, il se trouve que pour le réservoir du VIH, et c'est peut-être vrai pour d'autres virus, on pense que c'est vrai pour l'hépatite également, les cellules qui hébergent le virus VIH de façon chronique semblent exprimer beaucoup de ces immune checkpoints, de ces pédales de frein. Et ces pédales de frein sont importantes car elles contribuent à freiner la réplication du VIH, donc à maintenir la latence, la persistance du virus. Et donc, on a pensé qu'on pouvait utiliser les traitements du cancer par immunothérapie pour voir si on pouvait faire ce choc des cellules réservoirs. C'est ce que nous avons fait à la pitié. Et dans quelques cas exceptionnels, nous sommes arrivés effectivement à réveiller le virus de ces cellules réservoirs et en même temps à réactiver les défenses immunitaires, toujours en débloquant le frein. Et donc, dans deux ou trois cas, nous sommes arrivés à avoir une décroissance du réservoir, mais malheureusement, ces cas sont exceptionnels et dans la majorité des cas, eh bien, les patients qui sont traités de cette façon-là, qui sont infectés par le VIH et qui sont atteints de cancer, malheureusement, voient leur réservoir viral se maintenir. Donc, ce n'est pas encore le Graal et il est absolument nécessaire de continuer à chercher comment on peut purger ce réservoir du système immunitaire. Merci beaucoup Brigitte Autran, ce sera le mot de la fin puisque nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission, mais merci vraiment infiniment à tous les deux, merci Brigitte Autran, merci Vincent Maréchal de venir nous parler de ces virus latents, c'était tout à fait passionnant. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission et la réécouter sur le site franceculture.fr ou en podcast via l'application de préférence de Radio France parce que c'est évidemment la meilleure. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou qu'on était ravis de retrouver aujourd'hui, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Dominique Saint-Vulf, Francine Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Azubert à la technique. Un petit aperçu de ce qu'on vous a préparé dans le labo de la méthode pour toute cette semaine. Et bien demain on replonge dans la physique des particules avec une nouvelle espèce exotique, l'agnon. Mercredi nous parlerons robotique et de l'invasion des drones. Jeudi nous vous raconterons l'histoire des grandes épidémies et comment elles ont façonné l'histoire des sciences et de la médecine. Et vendredi on ira faire un tour à Arrakis. Nous reviendrons sur la saga Dune alors que la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve pointe le bout de son nez. On se retrouve demain à 16h puisque la radiographie du coronavirus ce sera désormais plus qu'une seule fois par semaine et jusqu'à preuve du contraire.